Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1 fête les 30 ans du Top 50 ce soir de 20h à 22h. Thomas Joubert et Julia Martin seront aux commandes d'une émission spéciale. Franck Ferrand s'est dit que c'était l'occasion de nous expliquer depuis quand on peut parler de célébrité. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Dans quelques minutes, un expert de la question nous parlera de la naissance du phénomène de la célébrité. Mais à titre de préambule, je vous propose de revenir sur la gloire de Franz Liszt et aussi sur sa célébrité, bien entendu. Et puis tout à l'heure, je répondrai à la question de Benjamin qui a été posée sur la page Facebook de l'émission. Benjamin, comme nous tous, a retardé sa montre d'une heure ce week-end. Eh bien, il voudrait savoir depuis quand il existe un changement d'heure saisonnier. Je vais me faire un plaisir de lui répondre. Pour le moment, nous rejoignons Monsieur Liszt qui se taille un franc succès dans toute l'Europe. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Entre Paris et Liszt, c'est une histoire d'amour qui a commencé tôt. Le petit Liszt, comme on l'appelait alors, n'a pas 14 ans en 1824 lorsqu'il est acclamé à l'opéra italien et dans diverses églises où il donne des concerts spirituels et à l'Académie nationale de musique. On voit arriver Liszt en triomphateur en quelque sorte. On va lui commander un opéra, je dis Académie nationale, d'ailleurs à l'époque elle était encore royale. Voilà ce qu'on appelle une carrière précoce, avec son oreille musicale d'une justesse miraculeuse, avec ses doigts d'une virtuosité sans pareil, il est, depuis plusieurs années déjà, le parangon de l'enfant prodige. Un peu comme Mozart. Du reste, de la même façon, c'est son père, Adam Liszt, qui était un modeste violoniste, il faisait partie de la cour des Esterhazy. C'est Adam Liszt qui a organisé pour son enfant des tournées à travers l'Europe. Il l'a prise en main en quelque sorte, il est un peu, si vous voulez, son impresario. Et les capitales de l'époque vont très vite s'arracher le jeune phénomène. Coup dur, en 1827, Franz a la douleur de perdre ce père tellement essentiel qui était en quelque sorte son axe principal. Le père en question n'avait que 50 ans et évidemment sa disparition va semer un trouble considérable dans la vie de son fils. Ça marque pour le jeune Liszt le début d'une vie solitaire où la religion occupe une place de plus en plus importante au point que l'on va voir Franz songer un moment à entrer dans les ordres. Étrange idée tout de même lorsqu'on sait que ce tout jeune homme est déjà très attiré par les femmes. Ce penchant sans doute déraisonnable, son père l'avait ressenti du reste et sur son lit de mort, Adam avait mis son fils en garde. « Je crains pour toi les femmes, lui avait-il dit, elles troubleront ta vie et te domineront. » En attendant, Franz Liszt s'est bel et bien installé à Paris. Il s'y est installé quasiment de façon définitive. Pour gagner sa vie, le jeune Hongrois donne des leçons de piano aux enfants de nombreuses familles aristocratiques. C'est ainsi qu'il devient, notamment, le professeur d'une certaine Caroline de Saint-Cricq. Elle va devenir son premier véritable amour. Caroline de Saint-Cricq est une douce jeune fille, brune, pleine d'un charme encore enfantin. Son père n'est pas n'importe qui, il est ministre du commerce et des manufactures dans le cabinet de Monsieur de Martignac. On est là moins de 2 ans avant le départ, la fin du règne, la fin précipitée du règne de Charles X. Caroline est fascinée par la beauté, par la fougue, par le romantisme et sans doute, pourquoi pas, par le talent de son tout jeune professeur. Il joue pour elle et elle l'écoute éperdument sans pouvoir retenir ses larmes. Chaque jour, les cours durent un petit peu plus longtemps. Il déborde sur les leçons d'autres élèves qui attendent. Mais attendre Monsieur Liszt, c'est déjà un bonheur. Les deux jeunes gens n'ont pas en commun seulement l'amour du piano. La poésie aussi les obsède. Caroline lit d'une voix très douce ses sonnets préférés. Franz écoute et sourit. À ce régime, les leçons deviennent vite un véritable enchantement. La mère de Caroline fronce vaguement les sourcils, mais d'indulgence et d'attendrissement plus que d'inquiétude. Hélas, cette comtesse de Saint-Cricq est de santé déclinante, elle sent venir sa fin et comme une dernière volonté, elle supplie son mari de ne pas entraver l'amour de ces jeunes gens magnifiques. Peine perdue, Peu de temps après la mort de son épouse, le comte de Saint-Cricq, en bon ministre, cherche un parti efficace pour sa fille et il congédie Franz Liszt. Un soir, bien triste, de l'automne 1828, le maître de piano est formellement informé que les leçons de Mademoiselle de Saint-Cricq sont terminées. Décision paternelle, irrévocable, Liszt reçoit le coup sans broncher, il n'aura même pas la possibilité de dire un dernier adieu à Caroline. Le jeune homme, disons-le, est effondré. Alors, comme au moment de la mort de son père, il se tourne de nouveau vers la religion, il se tourne vers Dieu. De son côté, Caroline va tomber malade, et même gravement. Elle émet le souhait de prendre le voile. Son père n'en reste pas moins inflexible, il ne veut rien entendre, ce comte de Saint-Cricq. Elle va devoir se résigner à épouser le comte d'Artignaux, qui, comme son père, est magistrat, c'est le premier président de la cour royale de Pau. Un mariage arrangé, inutile de vous dire, et c'est ainsi que Caroline de Saint-Cricq épouse donc ce comte d'Artignaux et s'en va vivre loin, très loin de Paris, au pied des Pyrénées. Ses derniers espoirs envolés, Franz est anéanti, il abandonne toutes ses leçons, il s'enferme dans son appartement et il est à son tour bientôt très malade. Il va rester des journées entières volets clos. Le bruit de sa mort va même se répandre dans Paris. On dit, vous savez que le jeune Liszt est mort? Ah bon, vraiment? Et puis un soir de juillet 1830, alors que retentissent les premiers coups de feu de la Révolution parisienne, qui va entrer dans l'histoire sous le nom de la Révolution des Trois Glorieuses, notre pianiste retrouve d'un coup la fureur de son génie, le canon l'a guéri, selon la formule de la mère de Liszt. Le temps passe, un soir de l'automne 1834, un joyeux groupe d'artistes et d'écrivains se réunit chez Frédéric Chopin. On est rue de la Chaussée-d'Antin à Paris. Il y a là Georges Sand, Eugène Delacroix, Meyerbeer. Vous imaginez l'assemblée incroyable, et Adolphe Nourry, Henri Heine, Heinrich Heine, si vous voulez. Tous ces gens-là sont présents. C'est un incroyable cénacle romantique. Et tandis que Frédéric, le Polonais, interprète une sonate au piano, Liszt, le Hongrois, ne regarde qu'une seule femme. Cette fois, c'est la comtesse d'Agoult, que Berlioz lui avait présentée quelques jours auparavant. C'est une belle blonde qui tient, évidemment, vous le savez, ce grand salon littéraire et ne se plaît qu'en compagnie d'écrivains, de peintres, de musiciens. C'est un exutoire pour elle qui est mariée depuis 7 ans au premier écuyer de Madame Royale et qui pourrait, ce monsieur, être son père et se montre un mari passablement grave et ennuyeux. Ce sera la première grande liaison de Liszt avec une femme mariée du Faubourg Saint-Germain. Elle l'accompagnera pendant près de 10 ans jusqu'en 1844. On va dire pendant toute sa première période glorieuse, pendant ce temps de splendeur, car il faut imaginer à l'époque ce que peut être la gloire de Liszt. Chromatique de Franz Liszt par Georges Ziffra. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Franz Liszt sur Europe 1 dans un tout petit instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, sur Europe 1, la vie du compositeur hongrois Franz Liszt. Marie d'Agoult est amoureuse de Franz Liszt, mais c'est une liaison qui est totalement cachée, bien entendu. Or, en décembre 1834, l'aînée des deux filles de Marie d'Agoult va mourir. Et pour la mère, c'est un peu comme une sorte de châtiment. En tout cas, elle y voit un châtiment divin de ses amours adultérines, d'autant qu'elle est déjà elle-même enceinte de Liszt. Le couple, objet de scandale, décide de quitter Paris. Elle abandonne son mari, ses enfants, sa famille, son milieu. Marie annonce à son époux qu'elle se sépare de lui au terme de 8 années de mariage et elle s'enfuit donc avec Franz en juin 1835. Les voilà partis pour Genève. Leur cavale amoureuse va durer près de 5 ans. Ils auront 3 enfants, dont la célèbre Cosima, je dis célèbre, vous savez qu'elle deviendra beaucoup plus tard l'épouse de Richard Wagner. Après cela, Liszt part pour Vienne, donner des concerts dans le but de recueillir des fonds pour l'édification à Bonn d'un monument dédié à la mémoire de Beethoven. C'est le début de sa Glanzperiode à travers l'Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Portugal, jusqu'à la Turquie, jusqu'à la Russie, où elle s'achèvera dans des salles de 3000 personnes qui l'acclament debout pendant une demi-heure. On peut parler concernant Liszt d'un phénomène de célébrité internationale, et c'est un des premiers qui puisse prétendre à cette célébrité mondiale en quelque sorte. Il va mener une carrière absolument incroyable dans tous ces pays d'Europe. Il aura visité au cours de sa carrière 20 des 27 pays de l'actuelle Union européenne. Des concerts se succèdent avec une régularité métronomique. Ils viennent, on peut dire que presque à chaque fois, ils tournent à l'émeute. À la fin des concerts, les gens veulent absolument voir approcher, toucher Liszt, entouré d'une sorte de culte qui frôle l'hystérie. Jamais un artiste n'obtiendra autant de succès populaire. On peut dire que tout le monde aime Liszt, de tous les milieux, bourgeoisie, aristocratie mêlée. Liszt est une des premières personnalités de l'histoire à connaître ce phénomène-là. On va y revenir dans un instant, bien entendu, avec mon invité. On pourrait presque le comparer, si l'on voulait, à une sorte de rockstar actuel. Il est parmi les romantiques un personnage absolument incontournable. Il aura donné dans sa vie près de 1000 concerts dans 300 villes. Et tout ça, ne l'oublions pas, avec les moyens qui sont les moyens de l'époque. Ça paraît tout à fait incroyable. Il jouit d'un prestige tel qu'il est reçu évidemment dans les meilleures maisons. Il n'a pas besoin de descendre à l'hôtel, monsieur Liszt. Il se déplace dans une... Il y a tout un train de voitures, bien entendu, mais son propre carrosse est tiré par 6 chevaux. Enfin, vous imaginez un peu tout ça. Revenons à l'aspect sentimental des choses. Marie et Franz ont fini peu à peu par se haïr. Quand on connaît les caractères de l'un et de l'autre, ça n'avait rien de très étonnant. Franz multiplie les aventures, on va lui connaître une liaison avec Charlotte de Hein, avec Bettina von Arnim, avec la célèbre courtisane Lola Montes, bien entendu. Et de son côté, Marie se lamente et s'aigrit. Elle traite Franz de Don Juan parvenu. Et c'est Balzac qui va mettre leur drame dans son roman Béatrix, qui porte en sous-titre les mots suivants: les amours forcés. Mais ce sont les amours tapageuses entre Lola Montes et Liszt qui vont encourager Marie Dagout à rompre définitivement. Et évidemment, quand une femme de l'importance de Marie Dagout, avec qui est une sorte de pivot de la mondanité parisienne, rompt, ça fait forcément du bruit. Liszt n'a jamais cessé de son côté de songer à son premier amour, à son amour de jeunesse, vous savez, à son élève de jadis, à la belle Caroline de Saint-Cricq, devenue Madame d'Artigno. Si, en cet automne 1844, il annonce qu'il vient à Pau, vous imaginez bien que ce n'est pas pour ajouter une ville à la liste déjà immense de tous ses grands succès. C'est pour revoir celle qu'il a aimée, qu'il aime encore. 16 ans après, Liszt va donc la retrouver. Et lorsqu'il entre dans la salle du concert, il la reconnaît tout de suite. Elle est là, au deuxième rang. Elle n'a pas changé, en tout cas pas à ses yeux. Elle est vêtue d'une robe grise. Elle a toujours cette espèce de visage de petite fille. Ses yeux mauves qui paraissent un peu plus grands qu'autrefois. Sans doute également plus tristes et donc plus profonds. Cette ouverture de Guillaume Tell, cette invitation à la valse qui font partie du programme, cette étude de Chopin, cette fantaisie sur Robert le Diable, ce galop chromatique, c'est à Caroline d'Artigno, bien entendu, qu'ils sont dédiés. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du virtuose austro-hongrois Franz Liszt. Le 10 octobre 1844, Franz Liszt loue une calèche et part traverser la magnifique campagne automnale pour rendre visite à son amante mystique. 16 années les ont changés l'un et l'autre. On peut dire qu'ils ont beaucoup gagné en maturité. Leurs retrouvailles sont tout simplement magnifiques. Ils se regardent, ils se parlent très peu. Il faut imaginer que l'un et l'autre doit avoir la gorge serrée. Caroline lui révèle tout ce qu'il avait deviné, sa vie toute de résignation, son long martyr accepté, j'allais dire religieusement. Elle lui raconte comment elle l'a toujours servi, comment elle était au courant de ses tournées, comment elle continuait à l'aimer. Ne vous lassez jamais de mon souvenir, implore-t-elle. Elle lui demande alors la permission de le regarder toujours comme la seule étoile lumineuse de sa vie. On est vraiment dans le romantisme le plus échevelé. Et elle lui répète sa quotidienne prière. « Mon Dieu, récompensez abondamment ma constante soumission à vos volontés. » Le soir tombe, Franz et Caroline marchent côte à côte dans le parc. Entre eux, les moments de silence sont plus nombreux que les paroles échangées. Le 11 octobre, Liszt donne un second concert à Pau et au cours de celui-ci, il se livre à une de ses fantaisies qui sont désormais pour lui une habitude, à ces espèces d'improvisations tout à fait inouïes. Déjà à Paris, dans ses débuts, il lui était arrivé à la fin d'un concert d'improviser, comme pour s'amuser, des variations sur des airs populaires, sur « Au clair de la lune » par exemple. Sur le Pleyel de Caroline, il aperçoit le recueil de chansons populaires du Béarn que Frédéric Rivarez avait rassemblé. Il s'assied devant le piano, il fredonne ainsi le thème du pasteur malheureux, écrite par le poète Despourin, et le voilà qui est parti, c'est extraordinaire, assis au pied d'un chêne, dit le poème, baigné de pleurs, il songeait à l'inconstance de ses amours. Cet air est resté dans son cœur ce soir-là, devant la salle soulevée de Pau qui n'en croit pas ses oreilles, qui acclame Liszt, le grand pianiste va communiquer à ses touches inanimées tout le désenchantement de cette vie. Le chant plaintif du berger béarnais s'élève au sein de la solitude, au milieu du calme profond de la nature, puis le bruit sinistre du tonnerre grondant sur la montagne vient dominer la voix du pasteur. C'est tout l'argument symphonique que je vous lis là. Dans cet à-propos sur un thème local, Franz avait voulu clamer au monde entier son intime souffrance. Il ne pouvait d'ailleurs quitter cette terre si attachante, désireux de respirer encore l'air au milieu duquel celle qu'il aimait était condamnée à vivre, était condamnée à mourir. Le 17 octobre, une riche Irlandaise, Lady Fitzgerald, le prie de donner dans ses salons un concert de charité. Liszt accepte. C'est là une nouvelle soirée d'exaltation, d'enthousiasme, bien entendu, mais il n'est plus possible pour lui de s'attarder davantage. Ces quelques jours au pied des Pyrénées ont été pour le musicien d'une douceur, certes assez douce, mais d'une grande mélancolie. Et une dernière fois, Franz vient saluer Caroline. Ils ont l'un et l'autre les yeux pleins de larmes, ils baisent religieusement cette main qu'on lui tend en détournant la tête. Le voyageur reprend sa route sur le chemin de sa destinée. 3 ans vont passer et en 1847, un jour que Liszt donne à Kiev un concert de bienfaisance, il rencontre une généreuse princesse, c'est une Polonaise très séduisante. Par une curieuse coïncidence, elle aussi s'appelle Caroline de Sayn-Wittgenstein et c'est avec elle qu'il va partager le reste de sa vie avec une Caroline. Évidemment, Liszt va donner encore beaucoup de grands concerts jusqu'à ce que, sur la fin de sa vie, il décide de renoncer complètement à ce mode de vie. Il se retire du monde et il va vivre de façon lui-même très religieuse. Il va en quelque sorte renouer avec les élans mystiques qui avaient été ceux de sa jeunesse. Le 14 septembre 1860, à Weimar, il rédige son testament. Il déborde de reconnaissance envers sa divine princesse, bien entendu, qu'il aurait, je cite, « si ardemment désiré appeler du doux nom d'épouse, ce à quoi la malignité humaine et les plus déplorables chicanes se sont opposées avec obstination ». Et oui, il se trouve qu'elle était, elle, mariée, qu'il n'y avait pas moyen de mettre fin à ce lien. Mais justement parce que toutes ses joies étaient en elle et que toutes ses souffrances allaient toujours vers elle pour chercher leur apaisement, Franz la priait de remettre après sa mort à Madame Caroline d'Artignot, née comtesse de Saint-Cricq, à Pau, un de ses talismans montés en bagues. Ce vœu ne devait pas se réaliser, car le 16 avril 1872, c'est Caroline qui s'en va la première. Pas un jour, elle n'avait omis cette prière dont, au cours de l'automne 1844, elle avait révélé les termes à celui dont elle n'avait cessé d'être l'amante mystique. C'est le terme que lui-même employa dans sa correspondance. À celle qui lui avait si parfaitement succédé dans son cœur, Franz Liszt écrivait « Comment pourrais-je différer de me recueillir et de prier en apprenant la mort de Caroline d'Artignot ? Elle était une des plus pures manifestations de la bénédiction de Dieu sur terre. Ses longues souffrances, endurées avec tant de chrétienne douceur et de résignation, l'ont mûrie pour le ciel. » Bonjour Antoine Lilti. Cette romance, ces amours romantiques de Franz Liszt sont en quelque sorte le préambule à ce dont nous allons parler maintenant, c'est-à-dire le phénomène de célébrité. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de personnalités sont devenues célèbres il y a déjà assez longtemps? Quand ce phénomène est-il né? De quoi? Comment? Ce sont les questions que je vais vous poser dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des célébrités, avec votre invité Antoine Lilti, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de l'ouvrage Figure publique, l'invention de la célébrité 1750-1850 aux éditions Fayard. Oui, alors je me suis appesanti dans ce récit sur la dimension sentimentale de la vie du grand poète et du grand musicien romantique de Franz Liszt, qui était par ailleurs un virtuose absolument inouï. Il paraît qu'assister à un concert de Liszt tenait littéralement du prodige, c'était tout à fait extraordinaire. D'où vient la célébrité de ce personnage? Comment est-ce qu'on peut expliquer son incroyable succès dans toutes ces villes d'Europe? 300 villes l'ont acclamé debout, c'est inouï. Oui, ce qui est frappant avec Liszt, c'est le virtuose. C'est un homme de scène. Et c'est, aujourd'hui, on le connaît comme compositeur, mais à l'époque, ce qui fait son succès, c'est sa capacité, effectivement, à donner des performances. C'est lié aussi à des transformations techniques de la musique, et notamment avec les progrès du piano, ce qui fait que Liszt invente le récital et le récital solo, ce qu'on appellerait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant Liszt, il n'y avait pas vraiment de récital, ça n'existait pas sous cette forme. C'était collectif, c'est-à-dire qu'il y avait des orchestres, et Liszt est le premier, effectivement, à occuper et donc à être seul face au public. Et donc, se crée un lien très fort et très personnalisé. On n'a plus un orchestre, mais on a un personnage, un homme de scène et aussi, il faut bien dire, un homme de scène qui sait parfaitement jouer de la publicité. Il est le premier, par exemple, à avoir un impresario qui s'occupe d'organiser ses concerts. Il va prendre la place de son père, d'ailleurs. Exactement. Et qui va beaucoup faire pour la célébrité de Liszt. Quand vous dites beaucoup faire, c'est-à-dire qu'on prévient la presse, on fait de la publicité, on fait courir des rumeurs, enfin. Exactement. On publie dans les journaux des annonces des concerts, mais aussi des nouvelles sur la vie de Liszt. Et tout ce que vous venez de dire sur la vie privée de Liszt et sa vie amoureuse, eh bien, à l'époque, ça faisait partie de la légende. Oui, ça fascine beaucoup le public. D'ailleurs, certains critiques, vous avez cité tout à l'heure Heinrich Heine, qui connaît très très bien la vie musicale de parisienne de cette époque. Eh bien, il est un peu goguenard quand même vis-à-vis de Liszt, parce qu'à la fois il reconnaît son talent, mais il dit justement c'est quelqu'un qui joue à ce point de la publicité. Et par exemple, il lui reproche de faire trop de concerts de bienfaisance. Et il y a une critique de ce qu'on appellerait aujourd'hui le charity business, cette idée que c'est de la bienfaisance, mais en fait c'est aussi une manière de faire parler de lui et d'attirer les foules. Il attire les foules, il les magnétise. On est peut-être là dans le cœur même de ce phénomène que vous avez analysé, dont vous avez étudié la naissance, ce phénomène de célébrité, ça suppose une personne, une personnalité forte, et ça suppose un public, bien entendu. C'est un lien entre les deux, la célébrité. Exactement. La célébrité, en fait, ça repose... moi, j'en ai vu les développements au XVIIIe siècle, on va sans doute y revenir, mais ce qui est très frappant, évidemment, avec le romantisme, c'est à la fois le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les médias, c'est-à-dire de la presse, de la circulation des images. On disait que Liszt, son visage, était le plus connu d'Europe à son époque. Donc, circulation extrême, en fait, des discours et des images des gens bien au-delà du petit cercle des gens qui les connaissent. Et puis, de l'autre côté, ce culte du moi, ce culte de la personnalité singulière, qui émerge en fait avec les Lumières, mais qui évidemment trouve un premier apogée avec le romantisme. Alors, il y a les amours de Liszt, mais il y a aussi cette dimension mystique du personnage. Il va finir très religieux, quasiment comme une sorte de moine laïque, si je puis dire. Est-ce que cette célébrité qu'il avait connue, est-ce que l'engouement des foules de toute l'Europe, qui avait dû évidemment être un peu pesant pour lui, l'a poussé vers cette retraite, à votre avis? Est-ce que la célébrité ne conduit pas d'une certaine manière au recul, à la retraite, à l'effacement volontaire? Là, on est au cœur, en fait, de l'ambivalence même de la célébrité. C'est-à-dire que, et on le voit bien encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la célébrité, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement désirable, parce que c'est une marque de succès. Ça apporte beaucoup d'avantages, il faut le dire. Ça a énormément d'avantages. Mais c'est aussi une contrainte. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à la circulation, à un personnage public, dans lequel il y a à la fois soi et dans lequel il est difficile de totalement s'identifier. Et finalement, des personnages extrêmement célèbres, comme Liszt, qui décident de rompre avec le public pour retrouver quelque chose qui est de l'ordre d'une authenticité. Alors, authenticité religieuse avec Liszt, authenticité musicale aussi, il veut se concentrer sur sa musique. Eh bien, en fait, on en trouve tout au long de l'histoire de la célébrité depuis le XVIIIe siècle. On en a plein d'exemples, évidemment, aujourd'hui, au XXe siècle, mais dès le XVIIIe siècle, avec le personnage qui, moi, m'a beaucoup intéressé, qui est Jean-Jacques Rousseau, on a quelque chose de très proche de Liszt, puisque Rousseau, chacun le sait, tous ses derniers textes, hein, les rêveries du promeneur solitaire, bien lui aussi essaye d'échapper à la célébrité. Se mettre en marge, en fait. Hein. Exactement, en réaffirmant une authenticité qui passe par la solitude et qui passe par la rupture avec le public. Alors, dans cette généalogie de la célébrité, d'une certaine manière, vous revenez aux origines du phénomène que vous placez donc au XVIIIe siècle. On va parler de Rousseau dans un instant. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y avait quand même des personnalités célèbres bien avant le XVIIIe siècle? Je fais un parallèle avec le phénomène de l'opinion. On dit que l'opinion publique naît dans les années 1745-1750. Mais il y a une opinion publique incontestablement au XVe siècle, par exemple. Donc, est-ce que ces phénomènes-là ne naissent pas plutôt, est-ce que ce ne sont pas des renaissances permanentes, en quelque sorte? Ça dépend ce qu'on appelle être célèbre. Il y a des gens très connus. Évidemment, il y a des gens très connus avant. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de définir plus précisément la célébrité. Et la célébrité, de ce point de vue-là, elle doit être différenciée à la fois de la gloire, qui est la manière classique d'être très connu. Souvent militaire, disons. Voilà, qui est la gloire des grands chefs militaires, des souverains, évidemment, ou éventuellement des hommes illustres du passé. Il y a toujours eu des hommes illustres. Mais avec la célébrité, on a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ce sont des individus qui sont, de leur vivant, extrêmement connus par leurs contemporains. Et cette célébrité-là, elle implique quelque chose de nouveau, qui est effectivement la circulation très large de nouvelles, de rumeurs, d'histoires, d'images. Et donc ça implique notamment la presse, ça implique le développement de l'imprimé, ça implique l'existence d'un public urbain et d'un public de lecteurs, mais aussi de gens qui assistent au spectacle. Et tout ça se développe dans les grandes villes du XVIIIe siècle. Donc évidemment, rien ne naît absolument ex nihilo, mais on a vraiment une césure et un développement très nouveau de phénomènes au XVIIIe siècle. C'est le vecteur qui crée la célébrité, d'une certaine manière. C'en est une des conditions, véritablement une condition. Et s'il n'y avait pas eu toutes les fameuses nouvelles à la main, s'il n'y avait pas eu cette multiplication du colportage de la nouvelle, d'une certaine manière, et donc de la presse également, la célébrité en tant que telle ne serait pas née. Elle est un produit, en quelque sorte. Elle est un produit de ces vecteurs médiatiques et aussi du développement commercial de la culture. Parce que, par exemple, avec Liszt, c'est quelque chose qu'on voit très bien. Les concerts de Liszt, c'est un enjeu économique et commercial. On parlait tout à l'heure de son impresario. Il y a des entrepreneurs de spectacles. Et ça aussi, ça se développe au XVIIIe siècle, puisque la musique, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, était une affaire de cour et une affaire religieuse. C'était dans les églises et à la cour. Et l'invention des spectacles privés, et donc de ce qu'on appellerait aujourd'hui le marketing culturel, ça date de ce tournant entre le XVIIIe et le XIXe siècle. On n'est pas très loin de ce qui deviendra plus tard la culture de masse, en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors évidemment, c'est un peu tôt pour parler vraiment de culture de masse, mais on en a exactement, on en a les prémices. Oui, exactement. Ça. Alors, il faut peut-être préciser que la célébrité, telle que vous la définissez là, est un phénomène purement occidental quand même. Ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'on s'imagine, nous, puisque nous vivons, alors, qui plus est, à notre époque, ça prend des proportions telles, nous vivons dans un monde qui est complètement tourné vers la célébrité, hein, où les égos ont pris une dimension considérable, et on a l'impression que ça a toujours existé dans toutes les civilisations, à tout moment. Vous nous dites non, attention, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Alors, c'est vraiment lié dans les grandes villes, aux grandes villes européennes du milieu du XVIIIe siècle. Ça se développe ensuite aux États-Unis à partir du milieu du XIXe siècle, lorsque justement des chanteurs, des acteurs, des vedettes européennes commencent à faire des tournées aux États-Unis. Et puis évidemment, on va prendre à la fin du XIXe siècle une dimension absolument considérable. C'est pas lié à la culture occidentale en tant que telle, mais c'est lié aux transformations sociales, médiatiques et économiques qui sont celles des grandes villes, des grandes métropoles de la fin du XVIIIe siècle. Quels sont, selon vous, les critères qui permettent de définir le phénomène? C'est-à-dire que, quelle est la différence entre célébrité? Vous avez défini la différence avec la gloire, par exemple, et il y a la notoriété. Ouais. Quelle est la différence entre notoriété et célébrité, par exemple? Alors moi, je pose surtout à la réputation. La réputation, c'est le fait d'être connu, dans des cercles relativement restreints, c'est-à-dire c'est les cercles de l'entre-soi, c'est à l'intérieur des sociabilités, c'est la réputation dans un village, dans un voisinage. Avec la célébrité, justement, il y a le fait d'être connu par un public, c'est-à-dire par toute une série de gens qui n'ont pas de rapport direct, qui ne vous rencontreront jamais. Chamfort, le moraliste de la fin du XVIIIe siècle, très bien défini la célébrité. Il a dit la célébrité, c'est le fait d'être connu des gens qui ne vous connaissent pas. Alors vous voyez, c'est un paradoxe, c'est amusant, c'est une pointe comme Chamfort aime bien en faire, mais qui désigne bien quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie complète dans la célébrité. On est de son vivant connu par un ensemble de contemporains qui ont à la fois une fascination presque intime, pas simplement une admiration, mais une curiosité, y compris pour la vie privée, personnelle, singulière d'un individu, qu'ils ne rencontreront jamais en réalité. Alors nous sommes partis de Franz Liszt, on va faire un saut d'encore un siècle en arrière, puisqu'on va parler de Voltaire et de Rousseau, qui sont des exemples, des archétypes de personnages célèbres dans la nouvelle définition de cette célébrité moderne. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. De la Campanella de Franz Liszt par Georges Siffra. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, des célébrités, avec votre invité Antoine Lilti, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de l'ouvrage Figure publique, l'invention de la célébrité, 1750-1850 aux éditions Fayard. C'est à Paris que Franz Liszt était devenu célèbre. C'est à Paris que, 70 ans plus tôt, un grand écrivain avait également atteint la célébrité, c'était Voltaire. C'est ce que vous nous expliquez, en tout cas, dans Figure publique, Antoine Lilti. Oui, exactement. Voltaire, c'est la différence, sans doute, avec les écrivains des siècles précédents. Il n'est pas simplement connu comme écrivain. Il devient une véritable figure publique. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas lu ses livres connaissent son visage, parce qu'il y a des gravures, des portraits de Voltaire qui circulent, connaissent son nom, ça, connaissent toute une série d'anecdotes sur sa vie. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement on le reconnaît comme on pourrait reconnaître un souverain à partir des pièces de monnaie, non seulement son nom circule, bon ça, je pense que ça a été le cas dans bien des siècles, mais on sait ce qu'il représente et plus ou moins ce qu'il pense. Donc ça, c'est plus étonnant, évidemment. Oui, les journaux racontent les faits et gestes de Voltaire. La chronique de la vie de Voltaire à Ferney, c'est un des éléments de l'actualité quotidienne dans la France du XVIIIe siècle. Et lorsqu'il arrive à Paris, vraiment à la toute fin de sa vie, ça fait 78, voilà, ça fait 30 ans qu'il n'avait pas mis les pieds à Paris. C'est vraiment l'enthousiasme général. Les gens veulent le rencontrer. Le journal de Paris, qui est un nouveau quotidien qui vient d'être créé, raconte jour après jour les gens qui ont visité Voltaire, qu'a fait Voltaire, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours raconté cet épisode, et notamment une cérémonie qui a lieu à la Comédie Française où Voltaire est couronné. C'est toujours raconté sur le mode glorieux de l'apothéose du philosophe des Lumières, de la gloire de l'écrivain, du sacre de l'écrivain. Alors, c'est pas totalement faux, évidemment, cette analyse. Mais ce qui est très frappant, c'est que les contemporains et Voltaire lui-même étaient très sensibles au caractère ambigu de cette célébrité, au fait que finalement Voltaire devenait célèbre comme un comédien, comme une chanteuse de l'opéra et plus simplement comme un écrivain. Et est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que son personnage public ne commençait pas à faire écran à son œuvre et peut-être aussi au discours critique qu'il essayait de porter? C'est le paradoxe, hein, vraiment. Vous auriez pu appeler aussi ce livre « Le paradoxe de la célébrité », en quelque sorte. Hein. On voit Voltaire devenir une sorte de figure emblématique, une figure publique. Ça suppose qu'il y ait justement un public. Ouais. Et ça n'est pas donné non plus. Ça vient peu à peu, le public, la constitution d'un public. Alors, non seulement le public est une chose nouvelle au XVIIIe siècle, au sens où qu'il y ait justement, qui est constitué par cette circulation des journaux, hein, dont je viens de parler, à l'existence de théâtres urbains, avec des divertissements publics. Alors c'est très vrai à Paris, c'est encore plus vrai à Londres. Il ne faut pas oublier que Voltaire est un homme de théâtre. Avant tout, il se définit comme tel. Lui, il aurait été surpris qu'on le considère comme un épistolier ou comme un philosophe. Hein. Pour lui, il est un homme de théâtre avant tout. Le théâtre a été la passion de sa vie, véritablement la passion de sa vie. Et du coup, le théâtre est évidemment un des lieux où se constitue ce public. Mais le public est aussi, non seulement est un phénomène nouveau, c'est aussi une idée nouvelle au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a un questionnement permanent sur ce qu'est un public. Or, les historiens ont beaucoup pensé au public sur un mode, finalement, je dirais un peu idéaliste. C'est-à-dire le public, ce serait le lieu, justement, vous parliez de l'opinion publique, un lieu de discussion sur la vie politique, sur les grands enjeux. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'au XVIIIe siècle, le public est déjà aussi ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui se passionnent pour la vie privée des gens célèbres, pour des faits divers, pour des anecdotes. C'est intéressant cette idée de vie privée, parce que ça suppose qu'elle existe, elle aussi, bien entendu. Ça, c'est un des acquis de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle, c'est qu'on commence à distinguer une vie publique d'une vie privée, comme si chacun pouvait dissimuler un jardin secret, en quelque sorte. Oui, jusqu'au XVIIe siècle, l'idée de public, le mot existe, mais il ne désigne pas ce qu'on appellerait aujourd'hui le public, c'est ce qui appartient à l'État. Or, au XVIIIe siècle, le public, c'est ce qui est visible de tous, et donc s'oppose, et c'est tout à fait nouveau, au privé. Donc cette grande opposition entre vie privée et vie publique dont on nous parle tout le temps, en réalité, elle est vraiment apparue au XVIIIe siècle, et du coup, ce qui apparaît, c'est l'idée que la vie privée des gens intéresse le public. Il y a un genre éditorial, par exemple, tout à fait nouveau, qui s'appelle les vies privées d'eux. Et on publie des vies privées de Marie-Antoinette, des vies privées de Buffon, des vies privées de Monsieur de Voltaire, etc. Tout ça en grande partie inventé, bien entendu. Bien sûr, dans le cas de Voltaire, il alimente lui-même la chronique. Il faut dire que Voltaire avait un sens de ce que nous appelons, nous, le marketing, extrêmement aiguisé. Il savait ce qu'il fallait faire pour retenir l'attention. Il créait le scandale à plaisir, si je puis dire. Oui, il n'a qu'une peur, c'est qu'on ne parle plus de lui. Hein, qu'on l'oublie, c'est très bien qu'il faut occuper le terrain. Alors parfois, d'ailleurs, les gens qui travaillent pour lui à cette autopromotion vont un peu trop loin à son goût. Hein, donc, par exemple, il y a un peintre, Jean Hubert, qui peint des scènes de la vie de Voltaire, des scènes intimes. Et ces tableaux sont gravés, copiés, circulent dans Paris. Et Voltaire s'en émeut parce qu'il se dit « Mais est-ce que je ne suis pas un peu ridicule ? On me voit le matin en train de m'habiller, en train de prendre mon café, etc. » Et Hubert lui dit « Mais non, pas du tout. Je sais exactement la dose de ridicule qui est nécessaire à votre célébrité. » La peinture d'histoire, il ne faut pas l'oublier, était le genre majeur dans la hiérarchie des peintres de l'époque. Et jusqu'alors, elle avait concerné des héros, justement, qu'ils fussent religieux ou militaires ou politiques. Enfin, c'était toujours des héros. Là, d'un seul coup, c'est monsieur tout le monde, parce que Voltaire, on a quand même connu des héros un peu plus chevaleresques, objectivement. Oui, et puis surtout, les écrits. Il y avait des codes pour représenter les écrivains. Donc, traditionnellement, on représentait les écrivains à leur table, au milieu de livres, avec en train de penser, de réfléchir. Et là, non, lui, on le représente dans sa vie quotidienne, en train de jouer aux échecs, de prendre son petit déjeuner, de se lever. Et c'est nouveau, vous parliez de la peinture d'histoire. Il y a un genre nouveau au XVIIIe siècle qui est ce qu'on appelle la peinture de genre, qui est justement la peinture sur la vie quotidienne des individus. À mi-chemin des deux, en quelque Exactement. Sorte. Hein. Oui. Exactement. Donc c'est lié justement à cette naissance conjointe de l'idée même de privé et d'intime, oui. Et puis de l'autre côté, de vie publique, d'exposition publique d'un personnage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où existe cette sphère intime, on peut la mettre en scène et on peut d'autant mieux le faire qu'on a désormais les instruments de propagation nécessaires, en fait. C'est comme ça que naît le phénomène. Alors, on a parlé là beaucoup de Voltaire, il y a d'autres figures qui deviennent célèbres. Je ne parle pas là encore une fois des souverains, etc., dont c'est le métier d'être célèbre, si je puis dire. Mais des personnes, Benjamin Franklin par exemple, qui va devenir une sorte d'icône, littéralement. C'est incroyable, Benjamin Franklin, d'ailleurs, lui-même en était étonné. Il écrivait, lorsqu'il était à Paris, il écrivait à sa fille « Mon visage est devenu plus connu que la face de la lune ». Et il disait une chose étonnante, il disait « Heureusement que je n'ai pas besoin de m'enfuir, parce que si je devais m'enfuir, je ne pourrais jamais me cacher, on me reconnaîtrait tout de suite hein ». Et Louis XVI aurait dû s'en rappeler quelques années plus tard. Mais ce qui est intéressant avec Franklin, c'est surtout que son image envahit toute une série de supports qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui. Évidemment, des tableaux, des bustes, mais par exemple, il y a des tasses. Alors, on pouvait boire son thé ou son café, vous savez que c'était des produits à la mode du 18e siècle. Dans une tasse Franklin. Dans une tasse avec l'image de Franklin, des cartes à jouer de Franklin, des toutes petites statuettes pour poser sur un bureau, sur une cheminée. Et pourquoi Benjamin Franklin ? Ah, parce que Benjamin Franklin, il cumule en fait les célébrités. Il est à la fois célèbre en tant que savant, Hein, c'est vraiment l'homme du paratonnerre, de l'électricité. Il est extrêmement connu pour ça. Et puis, c'est la cause politique, en fait. Il est à Paris en tant que représentant des révolutionnaires américains. Et le personnage qui s'est construit, c'est-à-dire un personnage de Quaker américain très simple, qui vient à la cour de Versailles sans perruque, habillé simplement, fascine le public parisien. Alors, sur la couverture de votre ouvrage, Figure publique, qui est édité chez Fayard, c'est Rousseau que vous avez mis en évidence, parce que pour vous, il est l'archétype, lui. C'est vrai qu'il réunit tous les critères. Passionnant personnage. Oui, alors je vais consacrer tout un chapitre, et je dois bien dire que c'est le point de départ du livre, en fait, c'est en travaillant sur Rousseau. Moi, j'avais, dans un travail précédent, j'avais travaillé sur les salons parisiens au XVIIIe siècle, et je m'étais intéressé à la façon dont Rousseau produit une critique virulente des salons parisiens, et il leur oppose, au fond, son rapport direct avec le public. Donc il a beaucoup joué de sa célébrité. Au départ, lui aussi, c'est un grand spécialiste du scandale public, de la polémique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans les 20 dernières années de sa vie, il se met à décrire sa célébrité comme un fardeau, comme une malédiction. Et avec Rousseau, on voit à la fois tous les phénomènes modernes de la célébrité, c'est-à-dire des admirateurs qui veulent lui rendre visite, des lecteurs qui lui écrivent, des gens qui le pistent dans Paris pour le voir passer, et en même temps un discours, le discours justement de la vedette qui ne supporte plus l'exposition publique. Quand les gens veulent lui rendre visite, il leur dit « si vous voulez voir une bête de foire, allez plutôt voir le rhinocéros ». Il refuse le phénomène qu'il a créé lui-même, en fait. Exactement. Mais c'est un phénomène très courant. Enfin, vous savez, les stars du XXe siècle qui prétendent échapper à la célébrité. Brigitte Bardot qui se réfugie dans la madrague. Exactement. Et donc, on a ce phénomène. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est à la fois de le voir au XVIIIe siècle, mais de le voir décrit. Parce que Rousseau, tous ses textes autobiographiques, vous savez, on a beaucoup dit que c'est des textes paranoïaques, il dénonce un complot contre lui. Mais ce qu'on n'avait pas forcément bien vu, c'est que ce complot, c'est le complot du public. Il est obnubilé, Rousseau, dans les dernières années de sa vie, par l'idée que le public lui en veut. Ce qui fait qu'on a cette chose paradoxale d'un écrivain qui est sans doute l'écrivain le plus aimé de son temps et qui est persuadé d'être universellement haï. Et pourquoi ? Parce que justement, il vit cette curiosité collective du public. Comme une agression. Comme une agression, exactement. Ouais, c'est assez extraordinaire. On a le contre-exemple absolu de ça un bon siècle plus tard, avec la célèbre actrice Sarah Bernhardt, qui elle, non seulement ne vit pas la célébrité comme une agression, mais a besoin de ça, elle l'accroît jusqu'à des sommets quasiment inégalés depuis d'ailleurs. Elle ne vivait que de célébrité, Sarah, c'est tout à fait incroyable. Hein. Oui, et puis là, en plus avec Sarah Bernhardt, ce qui est très intéressant, c'est la dimension internationale. C'est ça. Sarah Bernhardt, bon, c'est qu'elle a fait la transition entre le théâtre, le monde du théâtre et le monde du cinéma, donc ce nouvel âge de la célébrité avec le cinéma du XXe siècle, mais surtout, elle incarne à la fois dimension extraordinairement française, puisque dans le monde entier, elle est connue comme l'actrice française, et en même temps, elle a passé toute la deuxième moitié de sa vie à faire des tournées internationales dans le monde entier. Quand elle jouait devant des peaux rouges en plein Far West, ouais. Il ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait, bien entendu, mais à chaque réplique, il tirait des coups de feu en l'air. Enfin, c'est un phénomène qui devient universel. Et là, elle travaille, elle, sur la célébrité en tant que telle. C'est sans doute la première à le faire. Alors depuis, il y a eu toutes les stars du cinéma hollywoodien, bien entendu. Mais... Oui, elle a vraiment un sens absolument incroyable de l'autopromotion, de la promotion. Mais pour des acteurs ou pour des actrices, c'est un tout petit peu différent parce que la célébrité, l'exposition publique est absolument au cœur même de leur travail. Alors que pour des écrivains ou pour des artistes, évidemment, la chose est beaucoup plus ambiguë ou beaucoup plus ambivalente parce qu'il y a toujours cette idée un peu illégitime de la célébrité pour un écrivain, l'idée que son exposition publique, son personnage, sa figure pourrait faire obstacle à son œuvre. À son œuvre, évidemment, et au message qu'il a apporté, naturellement. L'invention de la célébrité, 1750-1850, c'est le centre, le cœur de l'étude d'Antoine Lilti, Figure publique, et c'est chez Fayard. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Benjamin et nous la posez via la page Facebook de l'émission. Benjamin voudrait que vous reveniez sur le changement d'heure d'été à l'heure d'hiver. Alors en effet, dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons tous reculé nos montres d'une heure. On pourrait dire qu'on est passé à l'heure d'hiver, mais la vérité c'est que l'heure d'hiver n'existe pas. C'est l'horaire normal. C'est l'heure d'été qui est une invention et qui diffère par rapport à la norme. En effet, c'est pour bénéficier plus largement des rayons du soleil que ce système de changement d'heure a été instauré. Vous savez, c'est que le matin, on perdait l'été, on perdait les belles heures d'ensoleillement. Et donc, dans un premier temps, il s'agissait d'économiser des bougies et des chandelles, et puis peu à peu, évidemment, de l'électricité. On s'est dit que ce serait une bonne idée de changer l'horaire. C'est Benjamin Franklin, le premier, qui avait mis le doigt sur ce gâchis d'énergie et qui avait proposé le passage à l'heure d'été. Il va falloir attendre longtemps, hein, il y a au 19e siècle un certain nombre d'ouvrages sur la question. En 1907, William Willett, qui est un entrepreneur britannique, remet cette proposition sur le tapis. Mais il va falloir une grande crise, il va falloir la nécessité de faire des économies pour que les différents gouvernements choisissent ce passage à l'heure d'été. Sachant encore une fois que ce que nous venons de faire, nous, ce retour à l'heure d'hiver n'est qu'un retour à l'heure normale. C'est en 1916, donc en plein milieu de la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne va pratiquer ce changement d'heure. Et la même année, d'ailleurs, le Royaume-Uni et la France font la même chose. À la fin de la Première Guerre mondiale, on maintient cette différence entre heure d'été et heure d'hiver pendant toutes les années 20, les années 30. Et puis, ça va finir par disparaître. Et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu'on y réfléchit de nouveau. Il faudra attendre le choc pétrolier de 1973 pour que ce soit véritablement nécessaire. Et comme par hasard, c'est à l'issue de ce premier choc pétrolier, en 1975, que la France va décider le passage à l'heure d'été. En tout, ce sont plus de 70 pays maintenant dans le monde qui pratiquent ce changement. Dans l'Union européenne, depuis 1998, ça a été tout à fait formalisé. Ça a lieu le dernier dimanche de mars pour le passage à l'heure d'été et le dernier dimanche d'octobre, donc évidemment, pour le passage à l'heure d'hiver. Je signale d'ailleurs, on parle toujours de la France, mais il est évident que dans les départements et dans les territoires d'outre-mer, il n'y a pas de changement d'heure parce qu'évidemment, c'est nettement moins nécessaire. L'ensoleillement y est beaucoup, beaucoup plus important qu'en métropole. We'll be right back.